Question 4. Le stationnement est interdit à partir du panneau. Réponse A. À droite et à gauche de la chaussée. Réponse B. Jusqu'à la prochaine intersection. Réponse C.